Que trouve-t-on si on analyse l'eau des rivières de chaque continent? Beaucoup de choses, me direz-vous, et au premier chef de l'eau, certes. Mais il y a autre chose qui se retrouve quasiment partout. Sur un total de 258 rivières analysées dans plus de 100 pays, ce sont des traces de médicaments. Seule une partie de l'Islande et un village au Venezuela sont épargnés. Partout ailleurs, une pollution aux médicaments invisible mais bien réelle, avec par ordre d'apparence des antimicrobiens, des antidépresseurs et des antihistaminiques. Ainsi, à force de surconsommer des médicaments, nous en disséminons partout et tout cela termine dans les cours des rivières. Médicaments, une pollution fleuve, c'est le programme mondial qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de cette pollution aux médicaments qui touche tant de rivières de notre planète, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Yves Lévy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de santé publique et santé environnementale au laboratoire écologie systématique et évolution de l'université Paris-Saclay. Et nous sommes en ligne avec Jeanne Garrigue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en toxicologie de l'environnement et de directrice de recherche émérite à INRAE. J'ai également le plaisir d'accueillir aujourd'hui en studio notre doctorant du jour, Majid Tarabet. Bonjour. Bonjour. Voilà, on vous entendra tout à l'heure pour nous présenter vos travaux de recherche. Mais on commence par un tour de l'actualité scientifique du jour avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Physical Letters B qui propose une voie pour résoudre le paradoxe de l'information de Stephen Hawking. Et dans toutes nos théories physiques, il y a un principe de base fondamental, c'est la conservation de l'information. Or, dans le cas des trous noirs, ce n'est pas si évident. Une des prédictions de la relativité générale, c'est que toute information, toute matière, toute énergie qui tombe à l'intérieur chute dans ce qu'on appelle la singularité. Si vous prenez un livre et que vous le jetez dans un trou noir, il tombe et reste dans cette singularité. Et une question reste. Où est-ce que l'information contenue dans ce livre est passée? Ce que Stephen Hawking a mis en évidence en 1976, c'est que lorsqu'on prend en compte les effets quantiques, un trou noir s'évapore très lentement, qu'il perd de l'énergie sous forme de radiation, le fameux rayonnement Hawking, et qu'un jour, il va disparaître. Et avec lui, cette singularité et l'information qui aurait pu être cachée. Or, c'est totalement incompatible avec les lois de la physique. Dans cet article, un duo de physiciens propose une piste pour résoudre ce paradoxe. Alejandro Pérez est enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université, au Centre de physique théorique. Ce qu'il propose, c'est une possible réponse, résolution du paradoxe, qui consiste justement à prendre en compte quelque chose que dans l'analyse initiale de Hawking n'est pas pris en compte. Comme dans le cas du livre, pour résoudre le paradoxe, il faut faire un recours à la physique des atomes, à la physique quantique fondamentale de la matière, à la physique du microscopique qui constitue la matière dans laquelle le livre il est construit. Dans cet article, on remarque que dans l'analyse initiale de Hawking, on ne prend pas en compte la nature quantique du champ gravitationnel. Et la remarque, elle est juste. En fait, dans l'analyse de Hawking, le champ gravitationnel, il reste classique. Le champ gravitationnel d'un trou noir, il est décrit dans le contexte de la théorie de la relativité générale, la description qui ne prend pas en compte les structures microscopiques quantiques du champ gravitationnel. Alors, dans l'article, il montre que si on prenait compte des aspects quantiques de la gravitation, il y aurait une façon possible de résoudre le paradoxe. Les aspects quantiques du champ gravitationnel, c'est une nouvelle physique. Donc, les aspects quantiques du champ gravitationnel, c'est quelque chose qui reste un aspect pas complètement bien compris dans la description théorique. On appelle ça la gravitation quantique. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'essayer de répondre à cette question, parce que ça nous donnerait des indices sur la nature quantique du champ gravitationnel. Notamment, pour pouvoir vraiment répondre à la question du paradoxe de l'information, il faudrait aussi comprendre qu'est-ce qui se passe avec cette singularité à l'intérieur, cet endroit à l'intérieur d'un trou noir où la physique classique ne fonctionne plus, où toute la relativité générale et toutes nos théories des particules, etc., ne fonctionne plus. Donc ça, c'est un aspect qui nécessite d'une nouvelle physique. Cette physique, c'est justement la physique qui est évoquée dans cet article, mais qui n'est pas complètement comprise. C'est la gravitation quantique. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur la gravitation quantique, sur les trous noirs, sur le rayonnement de Hawking, eh bien, il y a plein de liens à votre disposition, comme tous les jours, sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la levée des restrictions contre le Covid-19 en Europe est trop brutale. Hier, l'OMS s'est déclaré vigilant sur la situation épidémique en Europe, mais reste néanmoins optimiste. La fin de la plupart des mesures barrières dans de nombreux pays s'accompagne d'une augmentation des contaminations. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 est à la hausse dans 18 pays, notamment en France, en Angleterre, en Allemagne, en Irlande, en Grèce et en Italie. Alors, ce sont peut-être les effets du sous-variant BA2, le sous-variant d'Omicron, plus contagieux. De plus, en France, le ministère de la Santé a annoncé lundi que le nombre d'hospitalisations ne baissait plus. La grande barrière de corail a de nouveau été victime d'un épisode de blanchissement généralisé. Selon les autorités australiennes, le blanchissement a été détecté dans l'ensemble du parc marin qui s'étend sur 2300 km. Cette décoloration est provoquée par un stress thermique, par la hausse des températures océaniques. Et lorsque ce phénomène se répète, cela entraîne la mort du corail sur de vastes surfaces. La survie du plus grand récif corallien du monde est donc en jeu. Depuis lundi, les experts de l'UNESCO inspectent le site et devraient rendre leur rapport en juin. Il se peut que la grande barrière de corail rejoigne la liste du patrimoine mondial en péril et ses 52 sites répertoriés. Et pour finir, selon une étude parue hier dans la revue Nature, Ecology and Evolution, le vocabulaire des orangs-outans dépend de leur interaction sociale. Depuis que je vous fréquente, Nicolas Martin, mon vocabulaire a changé. J'utilise des mots que je n'utilisais pas avant de faire votre rencontre. Et bien pour les orangs-outans, c'est pareil. Cette équipe canadienne a découvert que les paramètres sociaux façonnent la production vocale chez les grands singes. Les chercheurs ont collecté la plus grande base de données de vocalisation de 70 primates, de 6 groupes, dans les forêts de Bornéo et de Sumatra. Lorsqu'ils vivent dans de grands groupes, les primates expérimentent plus de phénotypes vocaux, mais ils les abandonnent rapidement, tandis que les orangs-outans qui vivent dans de plus petits groupes expérimentent moins de sons, mais utilisent en réalité un répertoire plus riche. Selon les auteurs, comme les humains, les singes sont dotés de personnalités vocales. Je me disais bien que cette petite teinture orange vous allait vraiment ravir, Natacha. Merci beaucoup et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Vous avez certainement entendu, vous qui nous écoutez, cette histoire qui raconte que les rivières sont tellement polluées par les médicaments et notamment par les résidus contraceptifs et par les hormones de synthèse que les poissons contaminés finissent par changer de sexe. Toute séduisante que soit cette anecdote, elle est partiellement fausse, notamment parce que les estrogènes contenus dans les pilules sont plutôt bien dégradés dans les stations d'épuration, mais des phénomènes de féminisation et de masculinisation ont bien été observés sur certains poissons, et c'est peut-être encore plus inquiétant parce que ce serait le résultat d'un cocktail de perturbateurs endocriniens et de polluants divers. Toujours est-il que la grande étude récemment publiée dans la revue PNS montre que la quasi-totalité des rivières étudiées sur les 5 continents sont bel et bien polluées aux médicaments, à de très rares exceptions près. Des relevés qui étonnamment sont assez récents. Notre archive du jour date de 2008. Nous sommes dans le Journal de France 2. Je vous le disais, cette première grande étude sur la pollution de l'eau par nos médicaments antidépresseurs, antibiotiques, pilules contraceptives, on l'a longtemps ignoré, mais les résidus sont bien présents dans les rivières. En fait, les stations d'épuration ne sont pas conçues pour les éliminer. On en mesure déjà les conséquences. Enquête Estelle Collin, Alexis Fischer. Un principe actif dans l'eau, c'est ce que l'on attend d'un médicament prescrit. Le problème, c'est que des substances chimiques circulent à votre insu, via les urines, dans les égouts. Nous sommes à l'hôpital militaire Percy, à Clamart, en région parisienne. Ici, des scientifiques prélèvent à 7 mètres sous terre un échantillon des rejets. Il s'agit de traquer les résidus médicamenteux. L'étude vient de commencer. Elle est commandée par des fonds publics et privés. Et on va prendre un grand nombre de prélèvements répartis au cours de la journée et qui se répartissent en fonction du débit qui passe dans l'égout. 24 heures plus tard, l'échantillon arrive au laboratoire de la faculté de pharmacie. Ici, on va établir la trace des molécules présentes dans les eaux usées. Une première en France. Cette étude met en évidence la présence de médicaments dans l'eau. Si vous avez une personne qui consomme un médicament, donc elle ne va pas polluer. Si vous avez donc plusieurs milliers de personnes qui consomment le même médicament, donc là, on aura un risque d'avoir des teneurs donc non négligeables donc, dans les eaux de surface. Par principalement. Exemple. Et ben, la pilule contraceptive, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup de femmes qui la consomment. Effectivement, dans l'eau du robinet, dans les grandes villes de France, on trouve des traces de pilules contraceptives, certes infimes, mais avec des conséquences pour la santé que l'on ne maîtrise pas encore. Voilà, reportage diffusé sur France 2 où il est beaucoup question de pilules contraceptives. On va rentrer évidemment dans le détail de cette récente étude, hein, toute récente puisque ces résultats ont été publiés en février. On en parlait d'ailleurs dans le journal des sciences, dans le journal PNAS auquel, à laquelle vous avez participé d'ailleurs, Jeanne Garrigue. Mais avant, j'aimerais peut-être une réaction finalement à ce reportage et finalement au fait que la préoccupation de la concentration en ces différentes molécules issues des médicaments dans l'eau, dans l'eau d'écoulement, dans l'eau des rivières, finalement, dans l'eau d'épuration qui finit par revenir dans le cycle de l'eau. Toutes ces préoccupations-là sont très, très récentes, Yves Lévy. Oui, ben, en fait, ce qu'il faut absolument prendre en compte tout de suite, c'est de ne pas focaliser que sur les résidus de médicaments, parce que les résidus de médicaments sont une partie de la pollution. Et tout le monde avait entendu parler des pesticides, des solvants, des hydrocarbures. Et en fait, c'est une nouvelle famille qui est venue rejoindre les autres, parce qu'en fait, on les analysait pas avant. Et donc, ce reportage qui me rappelle des bons souvenirs de cette étude que nous avions fait à cette époque, c'était effectivement l'époque du développement analytique de ces méthodes qui ont petit à petit, tout doucement, révélé la présence de toutes ces molécules, d'abord en Allemagne, à Berlin, puis ensuite un peu partout en Europe, puis ensuite une grande campagne américaine, et puis maintenant, aujourd'hui, c'est dans le monde entier. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle les polluants émergents, qui sont une nouvelle classe de polluants qui vient rejoindre tous les autres. Jeanne Garrigue, votre réaction à ce reportage et à ce que vient de dire Yves Lévy? Oui, bien sûr. Alors, ce que vient de dire Yves est tout à fait exact. Hein. Les médicaments, ce n'est qu'une partie de notre de l'exposition des organismes dans les milieux. Ce que je voudrais dire, c'est que cette problématique des médicaments, certes, elle est liée au développement analytique, mais on avait déjà dans les années 70 des premiers travaux. On avait eu une étude qui montrait, par exemple, une étude en Nature qui montrait que les vautours étaient, on avait des mortalités de vautours liées aux médicaments. Alors ceux-là, ils n'étaient pas dans les rivières, ils étaient au milieu terrestre. Et qu'il y a eu d'assez importants projets européens dans les années 2000 autour de ces questions de pollution par les substances pharmaceutiques. Une partie de l'ensemble de la pollution des milieux, tout à fait. Alors, Jeanne Garrigue, on va commencer avec vous, cette émission, et justement avec cette étude à laquelle vous avez contribué. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le contenu, quels sont les résultats, finalement, de cette étude très, très vaste, hein, puisque je le disais, 258 rivières analysées sur un total de 106 pays, dont 36 n'avaient jamais fait l'objet d'une surveillance. Quelles sont les premières conclusions ou les conclusions les plus importantes que vous tirez de ces travaux? Alors, effectivement, une pollution tout à fait généralisée sur l'ensemble des continents. Évidemment, là où on consomme assez peu de médicaments, on en trouve relativement peu. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que finalement, en tout cas, par exemple, en France, nous avons travaillé à la fois sur des petites rivières et une grosse rivière, hein, sur la Seine, et finalement, les concentrations qu'on va retrouver dans les milieux sont assez similaires. Pour une bonne raison, c'est qu'effectivement, les médicaments sont en permanence rejetés via les stations d'épuration ou directement via les urines ou via les animaux. Alors, conclusion importante, c'est qu'on voit deux choses. D'une part, une répartition, je dirais, très macroscopique, hein, évidemment, puisque cette étude est très macroscopique, une répartition des typologies de médicaments en fonction, quelque part, des continents. Moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir qu'en Afrique, on avait une grande gamme de contamination, et en particulier par les antibiotiques, alors qu'on va retrouver en Europe une autre typologie de contamination. Et puis, ce qui est aussi frappant, c'est l'analyse, je dirais, de type économique qu'on a pu faire avec ça, qui montre que les pays qui ont finalement peu de ressources et donc peu d'accès aux médicaments, ben, il y a peu de médicaments. Les pays qui ont des ressources moyennes qui leur permettent, j'appellerais moyennes effectivement, qui leur permettent d'accéder aux médicaments, mais pas au traitement de l'eau, ou avec des législations insuffisantes, ben, finalement on va retrouver des concentrations un peu plus importantes et plus de substances dans les milieux, et puis que nos pays les plus développés, qui ont à la fois accès aux médicaments, qui en consomment évidemment beaucoup, ont également accès à des systèmes de traitement d'eau, à une certaine réglementation qui fait que on va retrouver des contaminations un petit peu inférieure que ce qu'on va retrouver dans des pays qui à la fois les consomment et éventuellement les produisent, comme par exemple l'Inde ou le Pakistan. Oui. Alors peut-être un mot également, parce que c'est important, sur la méthodologie. Ce qu'il y a d'impressionnant et d'intéressant dans cette étude, c'est que ça n'est pas une méta-étude. Vous n'avez pas été récupéré des petits bouts d'études à droite à gauche pour en faire une recollection et en tirer une analyse à un niveau supérieur. Vous avez vraiment procédé. Vous pouvez nous dire un petit mot justement des circonstances exactes de cette étude et de la façon dont vous avez analysé au même endroit pour vraiment unifier vos résultats, tous les échantillons, oui, voilà. On a manifestement un petit problème de liaison. Nous allons tâcher de récupérer Jeanne Garrigue. Alors, un mot avec vous, Yves Lévy. Oui, bah, je peux vous donner quelques éléments. En fait, les Anglais qui ont initié cette étude ont eu l'idée d'envoyer des flacons dans pas mal de pays dans le monde, chez des collègues qui connaissaient, de manière à collecter les échantillons d'eau dans plusieurs pays et de tous les ramener à un seul endroit pour que l'analyse puisse être homogène sans trop de variabilité. Ce qui permet quand même d'avoir une étude plus fiable. Et donc, il faut prendre cette étude comme un spot un peu instantané d'une observation. On n'a pas les variations temporaires, mais ça a le grand avantage, en fait, de révéler en une étude ce qu'on pouvait avoir comme information un peu parcellaire et qui confirme qu'en fait le monde entier est concerné. Oui. C'est-à-dire que, effectivement, ce qui est important, c'est que là, maintenant, ce que l'on pressentait est aujourd'hui indiscutable, c'est-à-dire qu'il y a de facto une pollution aux médicaments qui, comme le disait Jeanne Garrigue à l'instant, est graduelle et fonction du niveau de consommation de médicaments des pays, jusque-là rien que de très logique, mais qui touche absolument tous les cours d'eau à l'échelle de la planète, peu ou prou. Oui, et puis là, j'ai vu une étude qui vient absolument de sortir il y a très peu de temps dans les rivières de l'Himalaya. Donc, on peut imaginer que c'est quand même des endroits qui sont assez protégés et où il y a aussi des quantités de médicaments très importants. Donc, en fait, c'est pas une étude qui révèle, parce que les spécialistes avaient déjà ces informations, oui, dans des multitudes d'articles scientifiques. C'est plutôt une étude qui donne un signal d'alarme généralisé. D'abord, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui se sont réunis pour ça. Et puis, ça permet, d'ailleurs, la presse en a beaucoup parlé, ça permet vraiment de surinformer sur ce problème très particulier qui jusqu'à présent était connu mais peut-être pas pris assez au niveau nécessaire. Alors on a retrouvé Jeanne Garrigue. Bon, soyez à nouveau la bienvenue. On espère que le petit problème de connexion va se résoudre. Donc Yves Lévy a répondu à la question sur la méthodologie qui permet d'éclairer effectivement la prise de conscience collective que constitue cette étude. Et ce que vient de dire Yves Lévy à l'instant, c'est que finalement, ces résultats étaient attendus. Tout le monde imaginait qu'on allait les trouver, mais maintenant ils sont devant nous, ils sont indiscutables. Donc cette étude dans ce sens-là constitue un jalon. Oui, bah, tout à fait. L'idée, c'était vraiment effectivement à partir d'un réseau scientifique déjà bien établi, d'avoir à partir d'exactement la même méthodologie, hein, puisque nous avons travaillé tous avec la même méthode. Et puis surtout, l'intérêt, c'était que les analyses ont été faites toutes dans le même laboratoire, avec des standards très élevés. Et que donc là, on a des résultats totalement comparables. Ce que disait Yves Lévy était tout à fait correct. On avait plein de petites informations à gauche, à droite, parfois difficiles à comparer parce qu'on sait bien que l'analyse n'est pas toujours totalement comparable d'un labo à l'autre, etc. Alors que là, on a des informations qui sont faites avec exactement le même standard et donc totalement comparables. Et c'est une approche tout à fait intéressante qui donne à l'échelle planétaire qui met en évidence globalement le problème. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h20, nous parlons donc de la pollution aux médicaments, notamment dans la pollution dans les cours d'eau, suite à l'étude que nous évoquions à l'instant, publiée dans la revue PNS il y a quelques jours, quelques semaines de cela. Nous en parlons avec Yves Lévy et Jeanne Garrigue, qu'on va voir dans quelques instants. Et c'est peut-être un point important dont on peut discuter maintenant, Yves Lévy, c'est que ce qui a changé, ce qui nous permet d'avoir cette approche aujourd'hui, c'est les méthodes d'analyse et de filtration de l'eau, qui fait que pendant longtemps, ces molécules, elles passaient en dessous des radars. Oui, absolument. Et puis même, je dirais, on avait certains outils, mais personne n'avait l'idée d'aller les chercher. Et il a fallu que des géologues à Berlin se disent, tiens, ça serait intéressant de tracer vraiment la pollution humaine dans un cours d'eau, enfin plutôt dans une eau souterraine, en disant, ben, si j'analyse certains médicaments qui sont typiquement de synthèse fabriqués par l'homme, on va pouvoir tracer cette pollution. Et ça, c'était en 92. Berlin, voilà. C'était 92. Oui, ça doit être à peu près dans ces années-là. Oui. Et là, grande surprise, on a trouvé. Du coup, la première publication a donné envie aux autres de chercher, et puis on en a trouvé. Et alors, évidemment, depuis, les méthodes analytiques ont fait des progrès considérables, et on peut aujourd'hui, dans une eau d'égout, avec tous les mélanges infâmes qui s'y trouvent, être capable de tracer une molécule à des concentrations en dessous du nanogramme par litre. Ce qui fait qu'on trouve beaucoup de choses, et après, il faut interpréter le risque. Eh bien justement, c'est exactement le thème de recherche de notre doctorant de la semaine que nous allons retrouver, une fois n'est pas coutume, bien plus tôt que d'habitude, dans la recherche montre en main. C'est pas tout à fait ça. Bonjour Majid Tarabet. Bonjour. Vous travaillez précisément donc sur l'assemblage de nanomatériaux à l'interface liquide-liquide pour la détection spectro-électrochimique de molécules chirales. Votre thèse, vous la réalisez à l'Université de Lorraine dans le laboratoire de chimie physique et microbiologie pour les matériaux et l'environnement. Bienvenue à la recherche montre en main, on vous écoute. Bonjour et merci pour cette introduction. Alors pour vous mettre un tout petit peu dans le contexte, sachez que dans la nature, certaines molécules organiques ne présentent aucun plan de symétrie. Ces dernières peuvent avoir deux formes différentes, la forme R et la forme S. Bien que leurs atomes soient identiques, leur agencement spatial ne l'est pas. Ces molécules sont dites chirales. Et pour revenir un tout petit peu sur l'étymologie de la chiralité, ça vient du grec chair, à savoir la main. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Alors tout comme votre main gauche et votre main droite sont images l'une de l'autre, elles sont identiques au niveau de la forme, mais non superposables l'une au-dessus de l'autre. Il faut tourner de 180 degrés l'une des deux pour qu'elles soient identiques et superposables à son image. Ceci s'applique également aux molécules organiques chirales, qui sont l'image l'une de l'autre par un miroir de symétrie. Or, cette légère différence spatiale peut conduire à de grandes différences de comportement chimique. Par exemple, en biologie et en pharmacologie, la forme R ou S d'une molécule chirale est très importante, car elle permet la fixation des molécules sur des récepteurs biologiques ou cellulaires. En pharmacologie, elle peut avoir deux effets complètement opposés. L'un peut être à action thérapeutique et l'autre sans action, voire provoquer des effets indésirables. La plupart des médicaments commercialisés qu'on trouve dans le marché et dont le principe actif est une molécule chirale contiennent un mélange à proportion égale des deux formes R et S, c'est-à-dire 50% de la première et 50% de la deuxième, appelé mélange racémique. Si l'une des deux formes chirales est toxique et n'est pas identifiée comme telle, il peut arriver des accidents très graves. Et c'est ce qui s'est passé en réalité au début des années 60 avec le plus grand scandale de l'industrie pharmaceutique qui est le thalidomide, qui a été prescrit à des femmes enceintes pour ses propriétés antinauséeuses et sédatives. Mais malheureusement, l'une des deux formes était tératogène et avait provoqué des malformations fœtales. Par ailleurs, même synthétisée sous une forme pure, une molécule chirale peut se convertir en l'autre forme au cours du temps. Et ça peut être vraiment problématique, car par la suite, ça peut générer des pollutions dans l'environnement qui peuvent être mal maîtrisées. Dans le cadre de ma thèse, je cherche en réalité à étudier le processus d'interconversion en couplant deux techniques physico-chimiques qui sont l'électrochimie et la spectroscopie Raman. Pour cela, j'assemble des nanoparticules d'or au niveau d'une interface entre deux liquides non miscibles, soit entre deux phases non miscibles, un peu comme l'eau et l'eau. Un peu comme l'eau et l'huile. Alors l'avantage d'utiliser cette interface réside dans le fait qu'elle soit parfaite au niveau moléculaire, c'est-à-dire qu'elle ne contient aucun défaut de surface. Elle est bien localisée et auto-cicatrisante, c'est-à-dire qu'elle peut s'auto-régénérer après une certaine perturbation mécanique. Alors l'utilisation de l'électrochimie m'aide en réalité à imposer un certain potentiel électrique pour amorcer l'assemblage des nanoparticules d'or et la formation d'une couche d'une épaisseur contrôlée à l'interface, couche sur laquelle viendront s'absorber les molécules chirales initialement présentes dans la phase aqueuse. À l'aide d'un laser, j'irradierai cette interface et les molécules soumises à ce rayonnement interagiront avec l'onde incidente et auront une réponse qui leur est propre. Cette réponse se verra amplifiée en raison de la couche de nanoparticules d'or qui est en contact avec elle. Et c'est ce qu'on appelle un effet d'amplification ou un effet d'exaltation. Même sous forme de traces, on peut les détecter. Notez que chaque configuration R ou S d'une molécule chirale aura alors sa propre réponse spectrale ou tout simplement sa propre signature spectrale. Ce qui nous permettra par la suite de les discriminée. Ainsi, nous pouvons espérer suivre la vitesse d'interconversion entre les deux formes des molécules chirales en fonction de la nature du milieu et comprendre ainsi le risque de pollution environnementale des médicaments contenant de telles molécules. Voilà, merci beaucoup Majid Tarabet. On entend bien qu'effectivement, s'il y a un petit décalage par rapport au sujet global du jour, ce qui est intéressant et la raison pour laquelle nous voulions vous faire venir présenter vos travaux, c'est qu'on entend bien, Jeanne Garrigue, qu'il y a eu un grand progrès, comme le disait tout à l'heure également Yves Lévy, sur les capacités et les techniques d'analyse extrêmement fines que l'on peut produire pour trouver et pour détecter des traces de médicaments qui étaient jusqu'à présent totalement invisibles aux analyses avec des plus grosses mailles en quelque sorte. Oui, tout à fait. Et ce travail est extraordinaire et j'aurais bien aimé l'avoir vu dans les années 2000 où on travaillait avec un médicament dans le cadre d'un projet européen et on s'est posé beaucoup de questions à cause justement de ces problèmes de chiralité sur un antidépresseur où on s'est vraiment interrogé sur les proportions des deux formes par rapport aux toxicités sur des petits crustacés qu'on testait en laboratoire. Et vraiment, ça a été une question qui s'est posée, mais nous n'étions pas en mesure d'analyser les deux formes présentes dans le médicament en question. Mais alors, une question se pose tout de même par rapport à ces molécules, parce que c'est une chose d'en détecter une certaine concentration. Encore faut-il que l'on corrèle cette concentration à une toxicité, Yves Lévy. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un effet effectivement de sidération face à la quantité de ces molécules que l'on trouve, et on va revenir d'ailleurs sur la nature des molécules que l'on trouve dans les cours d'eau, mais est-ce qu'on est à peu près certain que cette quantité ou que les quantités détectées sont des quantités qui sont toxiques pour l'environnement, qu'il s'agisse de la faune ou de la flore? Alors, il y a beaucoup d'études qui sont menées évidemment sur ce sujet depuis longtemps et on utilise des bioessais, on utilise des essais in vivo, in vitro. Alors, quand on travaille sur un médicament ou un principe actif, il y a déjà des bases de données qui existent parce que le médicament, quand il est mis sur le marché, passe par des essais de toxicité. Mais en général, c'est des doses thérapeutiques, donc beaucoup plus fortes. Quand on arrive aux faibles doses, il faut donc faire des essais complémentaires en laboratoire. Et en plus, il faut maintenant prendre en compte les métabolites et produits de dégradation. C'est-à-dire qu'il y a la molécule mère, ces produits de dégradation qui se retrouvent tous dans l'environnement et qui peuvent, pour certains, avoir des effets cumulatifs. Donc quand on travaille sur une seule molécule, on peut obtenir des données. Et il y a des données qui sont obtenues. On commence à avoir des bases de données d'effets toxiques. Ensuite, il y a l'organisme sur lequel les effets sont observés. Donc, on ne peut pas généraliser l'effet toxique. Il va falloir le tester sur différents types d'organismes que le laboratoire de Jeanne Garrigue connaît parfaitement. Et avec ça, tout doucement, commencer à aller vers ce qu'on appelle l'analyse quantitative des risques, c'est-à-dire être capable de prédire les effets. Et comme après, ces résidus de médicaments se retrouvent mélangés avec les autres polluants, réussir à discriminer l'effet des résidus par rapport aux autres, ça devient extrêmement compliqué. Donc, on repose nos évaluations sur des bioessais globaux qui prennent l'ensemble des polluants. Et on arrive à ce qu'on appelle l'effet cocktail, qui est effectivement très très compliqué à débrouiller et à démêler en laboratoire et encore plus in vivo. Un mot, Jeanne Garrigue, justement sur les degrés, sur les échelles de toxicité de ces différentes molécules que l'étude a répertoriées dans l'étude dont nous parlions il y a quelques instants, quelques minutes. Alors, je ne sais pas si on peut parler de degrés ou d'effets, mais effectivement, clairement, en fonction de certaines concentrations, on a pu mettre en évidence un risque pour certains types de molécules. Notamment, on peut cibler notamment les antibiotiques que l'on teste également au niveau des bactéries et pour lesquelles on teste, par exemple, des phénomènes de résistance. Donc, on a de la donnée là-dessus. Et ça, c'est effectivement un risque important à la fois pour les populations bactériennes des milieux, mais également pour des problématiques d'antibiorésistance qui peuvent être générées par l'impact de ces substances. Et comme le disait Yves Lévy, effectivement, quand on s'intéresse à des effets à relativement long terme, à des effets très subtils, comme par exemple le comportement, on a vu des molécules à des concentrations relativement faibles, de l'ordre de la centaine de nanogrammes litres, qu'on peut trouver dans les milieux, qui peuvent perturber les comportements des organismes. Ça peut être du poisson, ça peut être un mollusque par exemple. Voilà, donc dans l'étude en question, on a pu dire que dans certains cas, on était plus ou moins dans des zones, je dirais, à risque d'impact toxique, en particulier là où on trouvait les plus fortes concentrations, évidemment. Vous parliez tout à l'heure, Jeanne Garrigue, de type de contamination par continent. Concrètement, de quel type de molécules on parle? Quelles sont les molécules que l'on trouve dans les cours d'eau européens, dans les cours d'eau africains? On parle d'antibiotiques, mais je crois que les antibiotiques, ça concerne pas tellement, en tout cas en moindre dose, dans une moindre mesure, les cours d'eau européens. En fait, dans les résultats qui ont pu être montés, on est trouvé, en fait, dans les gammes de concentration présentes et dans les pourcentages de présence, on trouvait effectivement pas mal d'antidépresseurs, en Europe notamment, alors qu'on trouvait des gammes de concentration beaucoup plus élevées, par exemple, sur le continent africain. C'est en ça que je disais qu'effectivement, on avait une espèce de typologie. On retrouve dans les pays à faible moyen revenu les antibiotiques et les analgésiques, alors qu'on va retrouver dans les pays à plus fort revenu, si on fait une analyse macro et très globale, hein, bien entendu. Je pense que les cas particuliers pourraient être analysés de manière plus approfondie. Mais dans les pays à fort revenu, on va retrouver ce que je viens de dire, des antidépresseurs, voire des antidiabétiques. Yves Lévy, un mot sur ces caractérisations de molécules? Oui, les grands classiques qu'on a pu retrouver en France depuis pas mal d'années et dans d'autres pays européens, c'est des anti-épileptiques, des anti-inflammatoires, des antidiabétiques, quelques bêta-bloquants. Donc il y a les principales familles. Et puis il y a aussi les produits diagnostiques. Par exemple, le gadolinium qui est utilisé pour certains diagnostics médicaux. Et puis, les produits de contraste iodé qu'on vous injecte quand on fait une radio, qui sont des molécules extrêmement polaires, c'est-à-dire très solubles dans l'eau, et qui ont la mauvaise idée de passer à travers les stations d'épuration sans pratiquement être éliminées. Donc, dans cette énorme famille de molécules, celles qu'on va retrouver sont celles qui ne sont pas biodégradables ou peu biodégradables, peu volatiles, et qui arrivent à résister à travers le comportement dans l'environnement. Donc, on a une large gamme. Celui qui gagne le haut du pavé dans cette histoire, c'est le paracétamol, parce que c'est aussi celui qui est le plus vendu en France, quoi. Donc la disparité entre les pays, ça va être d'une part la présence ou pas de médicaments, la présence ou pas d'industrie pharmaceutique, parce que en Inde et en Chine, on a vu des rejets avec des quantités absolument phénoménales. Ça va être aussi la présence de stations d'épuration, parce qu'il y a quand même beaucoup de pays qui n'ont pas de stations d'épuration, donc les déversements partent directement dans les rivières, et puis les revenus économiques du pays. Donc certains pays, malheureusement, cumulent à la fois l'absence d'égouts, la présence d'industries pharmaceutiques, l'usage de médicaments, et tout ça aboutit dans l'environnement au mauvais effet sur la faune présente dans les rivières. Oui, parce qu'on parle de deux types de sources, alors je ne sais pas si cette distinction est parlante ou si elle est opérante pour vous, Yves Lévy. On parle de sources diffuses versus ou contre des sources ponctuelles. Les sources diffuses étant celles qui traversent finalement nous autres, êtres humains et animaux, pour les antibiotiques, et les sources ponctuelles étant au contraire les hôpitaux, les industries pharmaceutiques qui, elles, vont se mettre à déverser d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on estime le poids respectif de l'un et de l'autre? Alors, le diffus, ça va être plutôt, pour moi, le monde animal, parce que on appelle diffus le fait que les déversements se passent un peu partout dans la nature. Le ponctuel, c'est vraiment le tuyau d'eau d'égout qui se déverse à un endroit. Donc, quand les pays ont des stations d'épuration et des réseaux d'assainissement, ça va être le rejet de la station d'épuration. Donc là, c'est très ponctuel, puis après, ça va diffuser dans la rivière. Donc, le diffus, je dirais, c'est plutôt le vétérinaire. Et en France, il y a eu des textes réglementaires qui ont fait qu'on est passé depuis l'an 2000 jusqu'à maintenant, de 1600 tonnes d'antibiotiques utilisées chaque année à 600 tonnes. Donc ça veut dire qu'on a réussi à en baisser pratiquement 900 tonnes pendant cette période. Donc, ça, c'est pour les antibiotiques vétérinaires. Les antibiotiques à usage vétérinaire. Tout à fait. Et puis sinon, côté humain, en général, les hôpitaux déversent dans le réseau d'assainissement de la ville, qui ensuite arrive à la station d'épuration de la ville, qui fait son travail plus ou moins bien en fonction de ses capacités et de ses technologies. Et ensuite, ça va être un déversement ponctuel à la sortie. Et donc, on a fait une étude que vous aviez dans vos archives, d'ailleurs, dans laquelle on avait déjà montré à cette époque que, à l'intérieur d'une ville, l'hôpital représente 15 à 20 % des rejets de médicaments. Donc, c'est vraiment 80 % qui est déversée par la population, qui se retrouve dans les égouts et qui ensuite va vers la station d'épuration. Et on verra que l'hôpital pose d'autres problèmes, notamment en termes de produits ou de déchets de produits radioactifs. On en reparlera dans un instant. J'aimerais vous entendre, Jeanne Garrigue, sur cette distinction source diffuse, source ponctuelle. Aujourd'hui, ce sont nous toutes et tous qui sommes finalement les premiers déverseurs dans la nature, si on compare ça peut-être à la sphère vétérinaire ou en tout cas aux industries. Nous sommes les premiers pourvoyeurs de relâchage de médicaments dans la nature et dans les cours d'eau. Ah oui, ça c'est clair, hein, les chiffres que vient de vous donner Yves Lévy, c'est tout à fait vrai. Hein. Après, la typologie aussi, alors je reviendrai sur la question des antibiotiques, hein, dans le travail que nous avons fait, on a vu que dans les zones de pâturage dans lesquelles on a travaillé, effectivement, on avait des contaminations par les antibiotiques à la limite plus importantes que dans la Seine, dans certains types de petits cours d'eau, et où finalement l'aspect, production animale est importante. Mais c'est clairement nous qui consommons des médicaments, qui les métabolisons pas totalement, qui sommes les premiers pourvoyeurs de ces substances dans les milieux. Nous allons continuer à discuter de cette pollution aux médicaments. Vous allez voir qu'il y a des solutions pour faire baisser ces contaminations aux médicaments dans les cours d'eau. On va les examiner aussi. Vous allez voir qu'elles sont complexes parfois à mettre en œuvre, mais qu'elles existent. On va continuer également à examiner les différents types de pollution, les différents types de solutions. Tout ça, ce sera dans quelques secondes musicales. Retenez bien ce nom, Forest Man and the Elements, dont le single Invisible sort aujourd'hui en exclusivité dans la méthode scientifique. Un groupe que l'on suit très près, que l'on aime bien dans l'équipe. Retenez ça, Forest Man and the Elements. Revenons à notre sujet du jour. C'est la pollution aux médicaments, la pollution dans les cours d'eau suite à une étude publiée dans PNAS que nous avons évoquée en première partie. Nous en parlons avec Yves Lévy, professeur émérite de santé publique et de santé environnementale au laboratoire écologie systématique et évolution à l'université Paris-Saclay, et avec Jeanne Garrigue, docteur en toxicologie de l'environnement et directrice de recherche émérite à INRAE. Jeanne Garrigue, comprenons bien, la pollution dont nous parlons, donc, c'est celle qui arrive à passer outre la station d'épuration. Or, la station d'épuration, elle est censée normalement retenir une grande partie, on imagine la majeure partie de ces polluants. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les molécules qui arrivent bien à contourner en quelque sorte les différents filtres de ces stations d'épuration? Et est-ce que il y a quelque chose à faire, une intervention à faire précisément pour faire en sorte que ces filtres soient plus opérants? Alors, Je vous arrête quand même un petit peu. Les stations d'épuration, elles ont d'abord été conçues pour épurer la pollution qu'on appelle organique, c'est-à-dire la pollution azotée, le phosphore, le carbone, et pas essentiellement les molécules de type les molécules de synthèse comme les pesticides, les solvants, les médicaments. Donc effectivement, elles travaillent ces stations d'épuration, mais je dirais qu'elles font ce qu'elles peuvent et qu'il y a un certain nombre de substances qui vont passer au travers de la dégradation, de la biodégradation. Donc clairement, on va les retrouver dans les milieux. Alors après, on peut ajouter des techniques d'épuration beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus avancées. C'est par exemple ce que font nos amis suisses en mettant des systèmes qui cassent les molécules grâce à des oxydants puissants comme l'ozone, de manière à casser l'ensemble des molécules et à ne plus retrouver les substances dans le milieu. Alors on va retrouver des substances qui ont été dégradées, enfin qui ont été cassées, mais on ne va pas retrouver le médicament en tant que tel. Comme le dit Jeanne Garrick, et c'est important de le souligner, Yves Lévy, effectivement la Suisse est le bon élève en la matière. Vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi, entre autres pour des stations d'épuration avec un niveau de filtration supplémentaire, un niveau de filtration chimique supplémentaire. Est-ce qu'il y a d'autres raisons, Yves Lévy? Bon, je ne sais pas si on peut dire le bon élève, en tout cas c'est un choix politique qui a été défini par la Suisse, qui est quand même un pays qui, en général, fait de gros efforts sur la qualité de l'environnement et l'hygiène. Et donc, ils ont jugé inacceptable de trouver dans leur rivière des taux de résidus de médicaments comme on trouvait ailleurs. Et donc, ils ont levé un impôt national qui a permis de financer une centaine de stations d'épuration avec un traitement qu'on appelle tertiaire, c'est-à-dire en gros rajouter à la fin de la station d'épuration des eaux d'égout, avant de rejeter les eaux traitées dans l'environnement, un traitement avec du gaz ozone qui casse les molécules et du charbon actif qui retient certaines de ces molécules indésirables. Et donc en gros, ce qui est très intéressant, c'est qu'on commence à fabriquer des stations d'épuration des eaux d'égout qui ont des procédés comme celles pour fabriquer de l'eau potable. Donc on en arrive, et peut-être allons-nous y arriver bientôt, à mettre des membranes de rétention, qui sont des membranes avec une porosité extrêmement fine, qui va retenir tous ces polluants. Et donc on va faire de l'eau ultra pure qu'on rejettera dans la nature après. Donc là, vous voyez où on en arrive, c'est-à-dire qu'en gros, le curatif nous amène à payer pour éliminer nos pollutions à un niveau absolument fou, sachant que, par ailleurs, il faut absolument mener une politique de prévention en amont. Quoi. Ouais. Oui, ça veut dire qu'on transformerait les stations d'épuration en stations de potabilisation, en quelque sorte. C'est pratiquement ça, oui, à part le fait que derrière, il y a encore des virus et des bactéries. Bien sûr, il faut repasser au chlore, mais etc. Mais l'ozone et le charbon actif étaient des technologies utilisées dans les filières d'eau potable depuis très longtemps. Et donc, c'est ce qu'on a trouvé de moins cher et d'aussi efficace pour éliminer une bonne partie de ces molécules. Mais donc, ça veut dire que c'est possible et ça veut dire qu'on peut le mettre en œuvre à l'échelle d'un pays? Oui, c'est un problème économique. C'est plus tellement un problème technologique. Bon, avec modération quand même, parce que derrière, il faut quand même gérer une usine aussi sophistiquée. Mais c'est un problème économique. Et donc, ça veut dire qu'il y a une bonne partie du monde qui n'y aura pas accès. Donc voilà, c'est toujours le problème. C'est quand on examine la situation dans les pays riches, on peut trouver des solutions curatives. Et pour beaucoup de pays, ce n'est même pas accessible. Il n'y a déjà même pas parfois de réseau d'assainissement pour collecter les eaux d'égout. Un autre niveau dont on parlait, Jeanne Garrick, juste avant la petite pause musicale, c'est la question des résidus radioactifs liés notamment aux radiothérapies hospitalières. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel point vous en avez trouvé? Est-ce que ce sont des résidus qui se comportent ou que l'on doit traiter différemment des autres formes de résidus de médicaments? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce propos? Alors, à ma connaissance, ce ne sont pas des résidus radioactifs. Ce sont des résidus qui permettent qui sont ce dont parlait Yves Lévy, c'était des terres rares, des substances de contraste, en fait, hein, qui permettent qu'on vous injecte, etc. Mais à ma connaissance, je ne connais pas de résidus radioactifs. Alors, je sais qu'il y a des études qui avaient montré qu'on pouvait en retrouver sur certaines sorties, mais je ne pourrais pas aller tellement au-delà. Alors, on va demander à Yves Lévy sur cette question. Oui, c'est la seule classe de médicaments, les médicaments radioactifs, qui ont eu une réglementation. Et donc, en théorie, un hôpital ne doit absolument pas relarguer quoi que ce soit en termes de radioactivité. Donc là, de ce côté-là, il y a une réglementation. Bon, alors, de temps en temps, il y a bien des petites fuites qui arrivent, malheureusement, mais c'est contrôlé, c'est réglementé. Et alors que tout le reste des biocides et des médicaments qu'on utilise dans un centre hospitalier partent tous dans les égouts. Alors, on va essayer de se tourner du côté des solutions. On a commencé à l'évoquer avec les stations d'épuration améliorées avec ces filtres au charbon et à l'ozone tels qu'ils ont été établis en Suisse. Il y a une autre option qui serait de changer la structure des molécules des médicaments pour des structures qui se dégradent mieux, qui sont moins toxiques pour l'environnement. Bonjour Alexandra Delbo. Bonjour Nicolas. Vous vous êtes rendu pour cela au centre AgroParisTech de Tiverval-Grignon. Oui, j'ai rencontré Anaïs Espinoza en dernière année de thèse au laboratoire d'écologie fonctionnelle et écotoxicologie des agrosystèmes et à INRAE. Elle travaille sur un anticancéreux qui s'appelle le méthotrexate et un analogue donc éco-conçu. Cet analogue est le O-méthotrexate, c'est-à-dire une molécule légèrement différente mais conservant ses propriétés cytotoxiques in vitro. Le but est donc d'effectuer une étude comparative de la dégradation et de l'écotoxicité de ces deux molécules. Un des leviers d'action pour limiter la contamination de l'environnement, ce serait d'utiliser des produits qui seraient éco-conçus, c'est-à-dire que dès lors du développement de la molécule, on penserait déjà à son devenir dans l'environnement, et donc on proposerait des molécules qui seraient plus facilement dégradées dans des conditions environnementales et qui produiraient aussi des produits de transformation qui seraient moins toxiques. Donc on a choisi d'étudier un anticancéreux, le méthotrexate. On a choisi cette molécule parce qu'elle est notamment retrouvée dans les eaux usées, mais aussi en sortie de station d'épuration, donc elle pourrait être persistante. Et dans ce contexte-là, nous, on a choisi de travailler sur une molécule éco-conçue, donc un analogue à ce méthotrexate. On a légèrement modifié la structure de la molécule, et l'idée, c'est qu'elle va conserver la même action, donc une action cytotoxique similaire au méthotrexate, et c'est ce qu'on veut, puisque c'est un cytotoxique, donc il ne faut pas altérer l'efficacité thérapeutique. Et l'hypothèse de base, c'est que cette nouvelle molécule, donc l'analogue, le O-méthotrexate, serait plus facilement biodégradé dans les conditions environnementales et aussi formerait des produits de transformation qui seraient moins toxiques. Enfin, on fait l'hypothèse qu'une fois dans l'environnement, elle aura un comportement différent et qu'elle se dégraderait plus facilement. Donc ce que vous avez voulu faire, c'est de pouvoir étudier comment l'O-méthotrexate va se comporter avec différentes étapes, c'est-à-dire mimer une dégradation par le soleil, mimer une dégradation dans la boue avec une mini-station d'épuration. Et donc dans le cas de l'éco-conception, on va se baser du coup sur les conditions environnementales qui vont jouer sur la molécule. Et donc pour mimer ces différentes conditions, nous on a choisi de travailler avec une boue issue d'une station d'épuration pour mimer de la biodégradation au laboratoire, mais aussi de la photodégradation, donc type par l'action du soleil. Ou bien dans des traitements type potabilisation. Donc on a fait subir ces différentes conditions à nos deux molécules. Et donc l'objectif, ça a été d'identifier les différents produits de transformation qui étaient formés lors de ces différentes conditions en laboratoire. Et pour ce faire, on a fait des analyses de chromatographie liquide couplée à un spectromètre de masse. Et je vais vous montrer en laboratoire. Voici la LCMS sur laquelle on va pouvoir identifier les différents composés qui ont été formés dans les différentes conditions que j'ai étudiées. Donc par exemple, lors de la photodégradation de mes molécules, donc j'ai irradié la solution pour former les produits. Et donc ensuite, je vais pouvoir injecter mon échantillon, donc ici. L'échantillon va donc être injecté et donc les différents composés vont se séparer sur la colonne chromatographique. Et ensuite, en sortie, on va avoir la détection et donc on va pouvoir détecter les différentes molécules. Et donc là, l'idée pour pouvoir procéder à une élucidation structurale, c'est-à-dire pour connaître la structure de la nouvelle molécule qui est un produit de transformation, donc on ne connaît pas encore, on va pouvoir donc jouer sur les paramètres de la machine et sélectionner par exemple la molécule et la fragmenter, c'est-à-dire la casser en petits morceaux pour obtenir donc des fragments. Et un peu à l'image d'un puzzle, on va avoir la masse de la molécule entière et des masses de petits morceaux. Et comme un puzzle, en fait, on va pouvoir remonter à une structure de la molécule et faire des hypothèses, donc, et proposer une grande variété de produits de transformation. Et donc ça, c'était le premier objectif, donc l'identification. Mais cette machine, elle sert aussi pour suivre les molécules. Et donc, on va voir leur évolution au cours de l'irradiation, par exemple. Donc, je vais vous montrer les résultats. Et donc ces analyses nous ont permis d'effectuer donc le suivi des composés et on se rend compte que le méthotrexate et son analogue se dégradent assez rapidement dans des conditions de biodégradation. Donc l'analogue ne présente pas forcément un avantage à ce niveau-là. Et pour le méthotrexate, il s'est quand même bien dégradé, alors qu'on avait vu dans la bibliographie par exemple qu'il pouvait être retrouvé en sortie de station d'épuration. Et donc bien évidemment, ça va dépendre de différents facteurs qui peuvent être le type de traitement utilisé en station d'épuration par exemple, ou aussi des conditions utilisées en laboratoire. Par contre, le haut-méthotrexate, il a montré un réel avantage. On a fait des tests d'écotoxicité, donc on a utilisé des organismes modèles, on a choisi par exemple des algues. Et là, on se rend compte que le haut-méthotrexate est beaucoup moins toxique sur des algues que le méthotrexate. Donc, il pourrait présenter un avantage à ce niveau-là. Et donc, on voit bien que la modification de la structure du méthotrexate a permis de modifier le comportement de la molécule et ses effets. Et donc, ça, c'est important dans la notion d'éco-conception, de voir qu'on peut, pour une même activité initiale, modifier donc le comportement de la molécule et son effet dans l'environnement. Voilà donc ces éco-médicaments ou ces médicaments avec des structures qui se dégradent plus facilement. C'est une des solutions, Jeanne Garrick ? Oui, c'est certainement une des solutions, sans doute un petit peu complexe à mettre en œuvre pour l'ensemble des médicaments. Et après, d'autres solutions, il y a un exemple qui avait été mis en place il y a déjà assez longtemps dans les pays du Nord, en Suède, je crois, qui était de prendre en compte pour les médicaments leur possibilité de dégradation, d'accumulation, etc., et d'informer à la fois les médecins et les patients de ces risques, de manière à choisir les molécules, évidemment, qui pouvaient les soigner, mais également qui seraient les moins impactantes sur l'environnement. Donc il y a certainement aussi un volet information des soignants et un volet information des patients pour prendre conscience du fait que ce qu'on ingère peut être impactant pour les milieux. Pour les soignants, il y a des solutions. Alors, c'est la solution générale, c'est évidemment de diminuer la consommation des médicaments par pays. On sait que c'est évidemment très très difficile puisqu'il y a des médicaments en vente libre et puis il faut ensuite agir sur les personnes qui prescrivent, ce qui n'est pas toujours facile. Néanmoins, la Suède a trouvé une idée intéressante. C'est une petite fleur rouge, Yves Lévy. Alors, je ne sais pas si ça change grand-chose, mais sur les médicaments, il y a un marquage qui dit que tel médicament est plus écotoxique qu'un autre. Est-ce que ça fait partie des mesures qui peuvent encourager à plus de vigilance de la part des citoyennes et des citoyens? Cette expérience qui était évoquée par Jeanne et qui concerne la ville de Stockholm, elle était intéressante, c'est-à-dire d'avoir un dialogue entre les autorités et les prescripteurs pour leur offrir des éléments leur permettant de dire, à effet thérapeutique identique, choisissez plutôt celle qui sera rouge, verte, enfin on peut trouver un logo. Le problème, c'est que ce type de décision doit être harmonisé au niveau européen. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut une validation scientifique rigoureuse, reposant sur des éléments démontrables qui permettent à ce moment-là à tous les prescripteurs d'avoir la même information. Sinon, on risque de partir dans quelque chose de trop hétérogène qui peut amener à des problèmes de santé publique. Donc il faut vraiment que ça soit une expérience vraiment super harmonisée. Mais la question globale finalement de tout cela, parce que évidemment quand on entend tout ce dont nous venons de parler, les reportages, les archives, on a de quoi être légitimement préoccupé, mais encore faut-il être préoccupé pour un risque concret, Yves Lévy. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des études qui nous montrent que cette pollution, cette surcontamination aux médicaments, elle a des effets d'écotoxicité? Bon, on parlait au début de l'émission déjà pour les écosystèmes autour de la rivière, des points d'eau, etc., ou les écosystèmes généraux, mais ensuite, par ailleurs, en retour, pour nous autres pauvres êtres humains. Oui, les impacts écotoxiques, maintenant, sont ceux qui sont le plus avérés et, je dirais, un peu le plus démontrés. On sait que les batraciens et les poissons d'eau douce sont particulièrement vulnérables. Voilà, puis ça peut être des bactéries aussi avec les résidus antibiotiques. Donc ça, l'impact écotoxique, c'est l'impact prioritaire. Après, derrière, pour les effets sur la santé humaine, ça veut dire qu'il faut que l'homme soit exposé à ces résidus et qu'il soit exposé pendant une durée assez longue. Et donc, ça veut dire essentiellement à travers les aliments et l'eau potable. Et aujourd'hui, les analyses qui sont faites dans les eaux potables, au moins des pays qui ont des filières de potabilisation, montrent que les quantités sont extrêmement faibles. Et en plus, ça ne concerne pas toutes les eaux du robinet. Et donc, les analyses de risque qui ont été faites sont toutes relativement prudentes par rapport aux conclusions. Donc ça veut dire qu'on ne va pas demain matin demander à mettre des usines d'osmose inverse qui font de l'eau distillée pour tout, enfin de l'eau osmosée pour tout le monde, avec un coût considérable, voire même peut-être un risque en supprimant trop de choses, parce que le risque humain n'est pas encore qualifié comme étant significatif. Donc on est vraiment dans cette démarche d'un continuum entre un impact écotoxique, et on rejoint le thème qu'on appelle une seule santé, c'est-à-dire la santé de l'environnement, une seule santé, santé animale, santé humaine et santé environnementale, dans laquelle aucun des trois ne doit s'abîmer parce que les autres vont suivre derrière. Quoi. Jeanne Garrigue, votre sentiment à ce propos ? C'était tout à fait ça. Moi, je pense que s'il y avait un risque lié aux médicaments, par l'eau, notamment dans nos pays développés, je pense qu'il y en a peu. Peut-être par des types d'alimentation, et d'où la réglementation sur l'alimentation, hein, d'éviter de consommer des produits dans un élevage, on aurait utilisé trop d'antibiotiques ou des hormones. Hein, on est dans ce niveau-là. Donc là-dessus, nous, on bénéficie d'une réglementation importante qui prévient ça. C'est certainement pas le cas dans les pays les moins développés, où effectivement les gens n'ont pas accès à de l'eau potable, les gens n'ont pas accès peut-être à une alimentation bien surveillée. Il y a tout de même cet élément à prendre en considération, c'est que pour ce qui est de la médecine vétérinaire, quand les médicaments sont trop écotoxiques, eh bien, ils ne passent pas la phase de commercialisation, alors que ça n'est pas un critère pris en compte pour les médicaments de médecine humaine, Jeanne Garrigue. Jeanne Garrigue, vous êtes encore là? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a aussi une différence avec les médicaments. Oui, vous m'entendez ? Oui, je disais, et d'ailleurs, il y a aussi un autre point par rapport à l'évaluation du risque pour les médicaments à usage humain, qui est qu'en fait, en dessous d'un certain seuil de concentration estimée dans l'environnement, on ne va pas faire les tests. Je crois que cette concentration, c'est 0,1 microgramme ou de l'ordre de 10 nanogrammes. Excusez-moi, je n'ai plus tellement de souvenirs. Mais il y a un seuil au-dessous duquel on ne ferait pas les analyses. Et de récents papiers, d'ailleurs, remettent en cause cette problématique de seuil qui nous avait beaucoup posé question. Mais effectivement, on n'interdira pas un médicament à usage humain pour des raisons d'écotoxicité. Yves Lévy, est-ce qu'il faut agir là-dessus? Est-ce qu'il faut aussi peut-être moins doser? Peut-être parce qu'il faut savoir que les médicaments humains sont évacués, je ne sais pas, à 90% de ce qu'on ingère, qu'on en met beaucoup, beaucoup pour qu'il y ait une petite fraction qui passe. Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, je dis 90%, c'est un chiffre comme ça au doigt mouillé, hein, c'est certainement pas le chiffre exact, mais est-ce qu'il faut faire attention à des médicaments humains moins écotoxiques et moins dosés pour limiter les rejets dans la nature, pour conclure? Non, le médicament, il est vraiment structuré pour soigner. Donc, il y a beaucoup d'études qui durent pendant 10 ans pour définir la bonne dose, la bonne quantité pour les adultes, les femmes enceintes, etc. Donc ça, c'est vraiment très, très bien cadré. Après, les impacts environnementaux, effectivement, il faut aller encore plus loin dans leurs évaluations. Et puis, ce qui était évoqué avant, c'est-à-dire stimuler l'industrie pharmaceutique pour développer, outre des molécules qui soignent, aussi des molécules qui ont un moindre effet environnemental. Puis après, il faut que les gens acceptent aussi, je dirais, le retour des spécialistes et des scientifiques pour avoir confiance un peu dans un certain nombre de développements. Il ne faut pas culpabiliser le public et il ne faut pas faire croire aux gens que ce sont eux qui sont les plus gros pollueurs. Enfin, il y a toute une série de thèmes autour de cette prise en compte par la population de cette pollution que nous produisons pour que on puisse aussi faire évoluer notre vie en polluant le moins possible. Et demain, on organise avec la Fondation de l'Académie de médecine une séance spéciale sur cette thématique. Et j'invite les auditeurs, s'ils le souhaitent, à se connecter sur le site de la Fondation de l'Académie de médecine pour écouter tout ce qu'on va faire autour de ce débat sur nous savons qu'il y a des polluants, nous savons que nous devons poursuivre notre développement. Et quelle stratégie mettre en œuvre. Et on va mettre le lien vers la Fondation de l'Académie de médecine pour vous renseigner sur cette réunion de demain sur notre fil Twitter @laméthodefc. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Yves Lévy. Merci pour votre invitation. Jeanne Garrig, c'était Jean-Guilain Mage aujourd'hui à la technique. Vous pouvez retrouver la méthode scientifique comme chaque jour en podcast sur l'application Radio France ou en réécoute sur franceculture.fr et ce, à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.